بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا ويسر لنا هذه الكلمة و هذه الدراسة، دراسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى. فنحمد الله جل وعلا ونسأله العلم النافع والعمل بهذا العلم، كما نسأله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، donc on va continuer inshallah sur un nouveau cours, et donc on est toujours dans l'étude du livre de l'unicité, et donc on était arrivé la fois dernière à l'étude d'un nouveau chapitre. C'est le chapitre dont l'imam al-Bukhari, rahimahullah, l'auteur de cette œuvre, avait utilisé un verset. On avait dit le verset 110 de la sourate al-Isra, qui est traduite la sourate du voyage nocturne. Et donc dans ce verset 110, Allah Jalla wa Ala dit, dans une traduction relative, il dit au prophète, sallam, il ordonne au prophète, il lui commande de dire « Invoquez Allah, ou bien invoquez le tout miséricordieux, sous quel nom dont vous l'invoquiez, à lui appartient les plus beaux noms et les noms sublimes, Allah subhanahu wa ta'ala. » Et donc l'imam al-Bukhari avait utilisé ce verset en titre d'intitulé de ce chapitre, et ensuite, on avait étudié le fait que l'imam al-Bukhari, l'auteur de cette œuvre, a mentionné ensuite un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, où le prophète a dit « La yirhamullah man la yirhamun nas » « Allah ne fera pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, envers les autres. » Et donc c'est pour cela qu'on s'était fait un rappel. On avait d'abord expliqué la miséricorde immense et infinie d'Allah, Jalla wa Ala, envers ses créatures et ses serviteurs. Et aussi, on avait dit donc que Allah, Jalla wa Ala, nous appelle à être clément, indulgent envers les autres. Et on avait expliqué que le paradis d'Allah, Jalla wa Ala, c'est la récompense ultime et la grande rétribution d'Allah, Jalla wa Ala, pour ses serviteurs. Et ce paradis-là, c'est un paradis qui est réservé aux gens qui étaient bons dans cette vie d'ici-bas, qui étaient indulgents, qui étaient cléments, qui faisaient preuve de bienfaisance dans cette vie d'ici-bas. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala nous ordonne d'être bons envers les autres. Et donc dans le cours dernier, dans la dernière assise, ou plutôt allocution, on avait parlé de la cause de la descente et de la révélation de ce verset, puisque comme on a dit, on avait dit que les sourates ou bien des versets, eh ben, il y a un contexte à connaître. Il y a une cause, et parfois des causes, pour la révélation de certaines sourates ou de versets. C'est pour ça qu'il est important de prendre en considération les différentes causes et les contextes de la révélation de certains versets ou sourates. Et de ce fait, celui qui lit, qui médite le Coran, de ce fait, il pourra bien comprendre, et ça l'aidera à comprendre bien le sens des versets. Et c'est pour ça, donc, dans la dernière allocution, on s'était fait un rappel sur l'importance de la bienfaisance et d'être bon, et que Allah Jalla wa Ala, parmi ses plus beaux noms et parmi ses noms sublimes, le fait qu'il est le tout miséricordieux. Parmi ses noms, il y a Ar-Rahman. Et de ce fait, l'imam al-Bukhari a voulu illustrer cette question très importante dans ce chapitre-ci. Et c'est pour cela qu'on avait même mentionné un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Irhamu man fil ard, yirhamkum man fil sama » « Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre, et celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. » Donc regardez, même dans ce hadith, donc on s'était exhorté, on s'était fait un rappel sur l'importance donc de l'indulgence, de la bonté, de la bienfaisance, du fait que Allah Jalla wa Ala nous dit que celui qui est bon et miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et bien celui qui est dans les cieux lui fera miséricorde et sera bon avec lui. Et tous les gens auront besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont besoin de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc on a besoin de l'indulgence, de la clémence, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui veut bénéficier de la miséricorde d'Allah, qui veut être touché par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah lui fasse miséricorde, donc le prophète en somme nous dit « Irhamu man fil ard, irhamkum man fis sama. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et on avait fait un rappel aussi avec un hadith immense du prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait mentionné le shirk dans son explication. Le hadith où que le prophète sallam nous avait enseigné que celui qui reconnaît son Seigneur lorsqu'il est dans une période d'aisance, alors Allah le reconnaîtra, c'est-à-dire Allah sera compatissant vers lui, clément vers lui, lorsqu'il sera dans une période de difficulté, détresse, par exemple. Et on s'était fait un rappel et on avait expliqué cela. Jusqu'à ce qu'on est arrivé, on avait terminé notre allocution et notre dernier cours, avec la mention d'un autre hadith. Donc l'imam al-Bukhari, dans ce chapitre, va nous enseigner un autre hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc c'est un hadith qui est très important. Vous allez voir le lien qu'il y a entre ce récit et ce chapitre. Donc on est toujours dans l'étude de ce chapitre, dont on avait commencé l'explication dans la dernière allocution. Et là, donc, on va continuer, inshallah, avec l'étude d'un nouveau récit prophétique, un nouveau hadith du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Que les prières et la paix soient sur lui. Donc, dans ce hadith, il nous est rapporté que le célèbre compagnon, Usama ibn Zayd, nous rapporte. Il nous dit, un jour, l'une des filles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya quelqu'un informer le prophète ensemble que l'un de ses enfants était malade et peut-être subissait l'affre ou les affres de la mort. Et peut-être donc elle informe que cet enfant, qui était l'un des petits-enfants du prophète ensemble, était sur le point de mourir. Et donc il devait venir. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda alors à quelqu'un d'aller lui transmettre de sa part que à Allah appartient ce qu'il a repris, et à lui appartient ce dont il a fait don. Et toute chose a, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un terme bien déterminé. Ensuite, il dit à cette personne de dire, et qu'elle fasse donc preuve de patience, et qu'elle espère donc la rétribution d'Allah. De ce fait, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, voulait que le prophète, sallallahu alayhi wassalam, se déplace. Alors le prophète, sallallahu alayhi wassalam, s'est déplacé. Et il renda donc visite à sa fille. Et lorsqu'il arriva, alors on lui présenta l'enfant qui était sur le point de mourir. Alors, lorsque cet enfant lui a été présenté, alors l'enfant était décrit comme émettant une sorte de grondement. Il y avait un bruit qui était une sorte de gargouillement, comme on dit. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prit. Et parmi l'assistance, parmi les compagnons qui étaient présents, il y avait Sa'd ibn Ubada et il y avait Mu'ad ibn Jabal. Et dans d'autres énoncés, il est rapporté qu'il y avait la présence de Ubay ibn Ka'b et aussi Zayd ibn Thabit. Donc, eux étaient présents. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris l'enfant dans ses bras, alors tout d'un coup, les yeux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'emplirent de larmes. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à verser des larmes. Et l'un de ses compagnons qui était présent, en l'occurrence Sa'd ibn Ubada, alors il dit, il s'adressa au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, « Ô messager d'Allah, ma hada, qu'est-ce que cela ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit alors, c'est-à-dire que le compagnon interrogea le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de ses larmes, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, « Ce n'est là que l'expression de la miséricorde d'Allah qu'il place dans le cœur de ceux qu'il veut parmi ses serviteurs. Et certes, Allah ne fait miséricorde qu'au miséricordieux. » Donc ça, c'est l'énoncé du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on va essayer de comprendre cette histoire que nous relate l'imam al-Bukhari, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, dans ce chapitre. Donc dans ce chapitre, on voit que maintenant l'imam al-Bukhari nous cite un nouveau récit qu'on va essayer de comprendre. Déjà, premièrement, quel est le lien de ce hadith, le lien du hadith avec le chapitre? C'est la partie lorsque le prophète, sallam, dit « Wa innama yarhamullah » وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَا. On voit bien que la partie de ce hadith qui est en relation avec le chapitre, puisqu'on parle de la miséricorde d'Allah, Eh bien, c'est la partie où le prophète sallam dit, eh bien, certes, Allah fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux, à ceux qui sont miséricordieux. Et donc, ça, c'est la partie du récit qui illustre ici, eh ben, le thème et le sujet qu'on est en train de traiter et d'apprendre dans ce chapitre. Et donc, vous avez vu, le prophète sallam a conclu ce hadith en disant que Allah Jalla wa Ala fait miséricorde à ses serviteurs qui sont eux-mêmes miséricordieux. Pour mieux comprendre ce récit, donc il nous est rapporté dans cette histoire, alors que des compagnons ils étaient en compagnie du prophète, sallam, alors le prophète sallam, lui fut informé que l'une de ses filles, un de ses enfants, était sur le point de mourir. Et on trouve dans d'autres énoncés, il nous est rapporté, certains savants rapportent que c'était sa fille Zainab, la fille du prophète Zainab, et que l'enfant c'était Umayma, Umayma, et que l'enfant c'était Umayma. Et donc c'était la mère de Umayma qui demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, qui insista pour que le prophète ensemble se déplace et vint. Donc le prophète ensemble se déplaça. Et dans cette histoire, on constate que quand le prophète ensemble a pris cet enfant dans ses bras, alors l'enfant faisait ce qu'on appelle en arabe al-qaqa'a. Al-qaqa'a. Et ici, Cheikh Ibn Al-Athaymin, le Cheikh va nous expliquer le sens en arabe. لأنه رفع إليه الصبي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي وهو في سياق الموت ونفسه تقعقع. On peut dire aussi تقعقع يعني لها صوت قعقعة كأنها في شن. Et donc vous avez vu, il y a des termes en arabe qui sont cités dans ce hadith qu'ils font comprendre. Le terme ici qui a été cité lorsque le prophète Sam a pris cet enfant, il lui a été présenté cet enfant, l'enfant il a été décrit comme s'il émettait un gargouillement, un bruit de gargouillement. Et le terme en arabe qui a été cité, c'est le qalqa, tuqaqir. Et ce terme-là, fi shen wa shen, ce terme-là, c'est une sorte de comparaison. Un exemple qui a été donné, c'est comme lorsque vous mettez de l'eau dans un récipient à l'époque, une outre qui était usée. Alors lorsque vous mettez de l'eau dans une outre qui est usée, et ben lorsque vous allez bouger cette outre, ça va faire une sorte de bruit. Et on va entendre un bruit émanant de cette outre qui est une sorte de bruit qu'on appelle al-qaqa. Al-qaqa. C'est pour ça que ici dans le récit, le bruit de l'enfant qui émanait de l'enfant était décrit de cette manière. Donc ça, c'est les subtilités ici de la langue arabe. Comme cela, c'était comparé ici les bruits de cette enfance. Pour ça, on traduit que lorsque l'enfant qui était sur le point de mourir était présenté au prophète, sans salam, alors il émettait une sorte de bruit, une sorte de gargouillement, de grondement. Et donc ensuite, le prophète, sans salam, lorsque l'enfant fut mis dans ses bras, alors le prophète, sans salam, a versé des larmes. A versé des larmes de miséricorde. Et c'est pour ça que lorsque le compagnon interrogea le prophète, sallam, au sujet de ses larmes, le prophète, sallam, dit, ceci est une miséricorde qu'Allah met dans le cœur de ses serviteurs. Vous avez vu, donc ici on apprend dans ce récit, c'est un hadith qui est immense et vraiment, on le médite. On apprend premièrement que le fait d'être bon et d'avoir de la clémence et de la miséricorde dans le cœur, eh ben c'est une chose qu'Allah Jalla wa Ala met dans le cœur de ses serviteurs. Celui qui est bon et qui a de la miséricorde, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des bonnes qualités. Et ça fait partie des qualités du musulman. Et ça fait partie des nobles caractères et des nobles comportements. C'est pour ça qu'on avait la dernière fois fait un rappel que beaucoup de choses qu'on nous a appris, beaucoup de choses qui sont véhiculées dans les différentes sociétés, dans les sociétés, le fait que pour être une personne qui réussit, pour être une personne qui est valorisée auprès des autres, ce sont les personnes qui ont de la méchanceté, les personnes qui sont mauvaises, les personnes qui disent d'eux-mêmes qu'elles sont sans pitié ou autres, qu'elles n'ont pas de compassion. Et bien parfois, c'est ces personnes-là qui sont mises en avant, alors qu'en réalité, ces personnes sont mauvaises. Et les personnes qui sont considérées auprès d'Allah, Jalla wa Ala, et les personnes qui sont en réalité dans un bienfait, ce sont les personnes qui sont pieuses, les personnes qui ont de la bonté, les personnes qui ont de la miséricorde dans leur cœur, les personnes qui ont de la clémence. Et de cela, on peut se vanter. C'est pour ça qu'en réalité, il ne faut pas se vanter lorsqu'une personne est mauvaise, une personne qui renferme de la méchanceté et qui a de la méchanceté au fond d'elle, il faut pas valoriser ces gens-là. Il faut pas que ces gens se valorisent pour leur méchanceté. Au contraire, la personne qui est valorisée, c'est la personne qui a de la miséricorde, qui a de la clémence, qui a de la bonté en elle et dans son cœur. Et ça fait partie, on apprend dans ce récit, ça fait partie des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah donne au serviteur qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des enseignements qu'on a dans ce récit. Et parmi les enseignements aussi, on a une parole qui est vraiment immense. On a la manière dont on fait les condoléances. Pourquoi? Parce que regardez, lorsque le prophète, sallam, a enjoint sa fille de patienter et d'espérer la rétribution, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu ça, ces deux choses. Ces deux choses, tout le temps, lorsqu'une personne il est touchée par une épreuve, il est dans la détresse, il est dans un moment difficile, dans une difficulté, il est touché par une épreuve de la vie, alors il doit s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses à faire, regardez, deux choses, la patience et espérer la récompense. Pourquoi espérer la récompense? Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il y a une épreuve, eh ben, il y a une rétribution. Celui qui patiente et qui a toujours une bonne pensée, un bon soupçon envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, alors il y a une grande récompense à la clé. Et de ce fait, le serviteur d'Allah, le croyant, lui, doit espérer cette récompense, doit espérer cette récompense. C'est pour ça que c'est très important. Regardez, dans les paroles du prophète, sallam, il y a de grands enseignements. C'est pour ça qu'il faut bien les méditer. Donc regardez, le prophète, sallam, il a enjoint sa fille face à cette épreuve. Et là, c'était l'épreuve de la perte d'un être cher. Alors, il a enjoint sa fille de patienter et d'espérer la rétribution. Et vous avez vu, c'est similaire, subhanallah, lorsqu'on avait parlé, on s'était fait un rappel sur, par exemple, la période lorsqu'il y a une épidémie, une pandémie comme celle-ci. Donc, on s'était fait un rappel sur cela, en période d'épidémie. On a dit que celui, par exemple, qui est chez lui et il vit dans une terre où il y a la propagation d'une épidémie, il est chez lui et il patiente en espérant la rétribution, et ben lui aura la récompense s'il est touché par cette épidémie-là, et s'il succombe, il aura la récompense du martyr. La récompense du martyr. Vous avez vu dans ce récit qu'on avait déjà mentionné dans une assise précédente, et ben le prophète ensemble a dit, donc celui qui vit en une terre d'épidémie, et donc il est confiné chez lui, par exemple, il s'est isolé en espérant se protéger de cette épidémie, eh bien, on avait fait un rappel sur cela et on avait dit dans un hadith, le prophète sallam avait dit que celui donc qui vit dans une terre où il y a une épidémie et qui patiente et qui espère la récompense, qui espère la récompense. Donc on avait bien mentionné ces deux choses, on s'était fait un rappel sur ces deux choses. Donc vous avez vu, cela revient même lorsqu'on est dans une terre où il y a une épidémie, on doit patienter, espérer la récompense. Celui qui sera touché, eh bien, il aura la récompense du martyr. Et on avait dit donc qu'il faut ces deux choses, espérer la récompense d'Allah et patienter, et patienter. Et on avait dit aussi, dans d'autres récits, et dans même ce hadith concernant l'épidémie, on avait dit aussi croire que tout cela provient d'Allah et fait partie du décret et de ce qu'Allah Jalla prédestiné. Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Donc regardez, le prophète, sallam, c'est un grand appel, il a enjoint sa fille de patienter et d'espérer la récompense. Donc ça, c'est une grande leçon. À chaque fois que une personne il est touchée par une épreuve, alors il doit patienter. Il patiente, il faut qu'il patiente, et il espère la rétribution. Et sachez, comme on l'a dit maintes fois, que Allah Jalla wa'ala vous trouvera toujours une issue. Alors que la personne ne s'y attend pas, et au moment où il ne s'y attend pas, Allah Jalla wa'ala lui trouvera toujours une issue et le soulagera de cette affliction, de cette épreuve, de cette détresse-là. Et aussi, parmi les enseignements qu'on a dans ce hadith, eh ben, la manière dont on fait les condoléances. La manière dont on fait les condoléances. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit à sa fille cette célèbre parole: Inna lillahi ma akhadh, wa lillahi ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib. Eh ben, cette parole, eh ben, c'est une parole qu'on utilise pour faire les condoléances. Les condoléances. Alors, lorsqu'une personne est touchée par cette épreuve de perdre un être cher, alors les autres croyants, les musulmans, sa communauté, Les gens qui l'environnent, ses proches, ses amis, viennent et lui font les condoléances. Donc les condoléances, c'est quelque chose de connu chez les êtres. Et de ce fait, le prophète, dans ce hadith, nous enseigne la manière de faire les condoléances. Comme on va voir, il y a d'autres manières de faire les condoléances, mais les savants nous disent que cette manière-là, c'est la meilleure manière de faire les condoléances. Puisque le prophète, a fait les condoléances de cette manière-là. Et c'est pour ça que lui-même, l'imam An-Nawawi, c'est un savant, parmi les grands savants de l'islam qui est célèbre, une grande référence, parmi les sommités, parmi les grands théologiens musulmans, l'imam An-Nawawi, dans son livre des invocations, Kitab al-Adhkar, il dit que c'est la meilleure manière, celle-ci, c'est la meilleure manière de faire les condoléances. Donc, qu'est-ce que les condoléances? C'est le fait de réconforter une famille, par exemple, qui a eu un défunt, qui a eu une perte, parce qu'on pense être à même de les consoler. C'est d'essayer de consoler, d'atténuer leur tristesse et de les inciter aussi à accepter le destin, le décret d'Allah, ce qu'Allah a prescrit. Et donc, de les inciter à patienter. Et donc, de patienter et d'espérer la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que chaque épreuve qui touche le croyant, eh ben, c'est une rémission de ses fautes, c'est une purification, et Allah Jalla wa Ala le rétribuera pour sa bonne patience. C'est pour cela que les condoléances, c'est le fait de réconforter les familles qui ont subi une perte, et donc d'essayer de les consoler, et donc c'est une cause pour atténuer la tristesse. Donc les savants nous disent que ça peut se faire avec différentes paroles, tant que cette parole, c'est une parole de consolation, et c'est une parole qui exhorte, incite à la patience. Donc, on peut utiliser n'importe quelle parole. Sauf que dans ce hadith, on a une manière de faire les condoléances qui nous est enseignée par le prophète. Et beaucoup de savants disent que c'est la meilleure des manières. C'est la meilleure des manières de consoler et de faire les condoléances à une personne. C'est le fait de le dire, Inna lillahi ma akhadh, wa lillahi ma a'ta, wa kulla shay'in 'indahu ila ajalin. C'est le fait de lui dire, à Allah appartient ce qu'il prend, et à Allah appartient ce qu'il donne, et à Allah appartient ce qu'il donne. Et toute chose a auprès de lui un terme bien déterminé, un délai fixé. Donc fais preuve de patience. Espère donc la rétribution d'Allah. Voilà ce qu'on dit à une personne. Voilà comment on fait la meilleure manière de faire les condoléances. Et Cheikh Ibn Al-Haythami, dans son commentaire, il nous dit, regardez, c'est une parole prophétique qui nous provient du messager d'Allah. Wahiya akbaru ta'ziya. Et donc, c'est la meilleure manière et la plus grande des manières de faire les condoléances à une personne qui est affligée et qui a subi une perte d'un de ses proches, d'un bien-aimé. Alors, on lui dit, Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Et Cheikh nous dit, subhanallah, kalimat nubuwa laha nurun wa ijaz ma'a 'idhamil ma'na wa sa'atihi. Et Cheikh, il nous dit que vraiment ces paroles du prophète sallam, c'est des paroles qui sont prophétiques. Dans ces paroles-là, il y a une lumière. Malgré que ces paroles sont concises, c'est pas un long discours. C'est une phrase qui est courte. Le prophète, sallam, que les prières et la paix soient sur lui, a utilisé quelques mots ici pour faire les condoléances. C'est une parole d'exhortation, de consolation, pour atténuer la tristesse de la personne qui subit cette épreuve. Et le prophète, regardez, sallam, a utilisé quelques paroles, mais ces paroles sont lourdes de sens si on les médite. Regardez, le prophète, sallam, nous dit, donc lorsqu'une personne nous apprend, hein, lorsque donc il y a une personne qui subit une épreuve comme celle-ci, regardez le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Et donc qu'est-ce qu'on doit dire nous aussi hein, pour suivre, parce que le prophète Sam, c'est le meilleur modèle, le meilleur exemple à suivre. Donc on dit à une personne qui subit cela, regardez le sens de ses paroles. Walillahi ma akhad. Appartient à Allah ce qu'il a pris. C'est-à-dire que ce défunt faisait partie des créatures d'Allah. Faisait partie des êtres qu'Allah Jalla wa Ala a créés. Donc tous les êtres appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'une personne, son délai, son terme de cette vie est venu, alors Allah Jalla wa Ala reprend les âmes. Et Allah est donc celui, Alladhi yuhyi wa yumit. Ce qu'il faut savoir parmi les particularités de la seigneurie d'Allah, c'est qu'Allah, c'est celui qui donne la vie et c'est celui aussi qui donne la mort. Donc Allah Jalla wa Ala a repris ce qui lui appartenait. Et c'est ça ce que dit le prophète à sa fille. Allah reprend ce qui lui appartient. Wallahu ma arta, et aussi lui appartient ce qu'il donne. Donc si Allah Jalla wa Ala vous a donné un être cher, pour les parents à qui Allah Jalla wa Ala a donné des enfants, eh ben ces enfants que vous avez, c'est Allah Jalla wa Ala qui vous a comblé de ce bienfait d'avoir des enfants. Et donc c'est Allah qui vous les a donnés. Ça fait partie de ce qu'Allah Jalla wa Ala a décrété dans votre vie. Donc Allah a décrété, par exemple, un couple qui va avoir 3, 4, 5 enfants. Allah Jalla wa Ala a décrété cela. Et cela était bien consigné dans un livre bien gardé, ce qu'on appelle Lawhul Mahfouz. Tout cela était consigné. Et même l'enfant, ensuite, lorsqu'il est dans la matrice de sa mère, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, ensuite l'enfant, un ange vient à lui et lui note 4 choses: son malheur, son bonheur, son délai, sa subsistance. Donc cela sera inscrit, et c'est ça qui fait partie, ça fait partie de la prédestinée, ça fait partie du qadr, du destin. Donc Allah Jalla wa Ala a tout prescrit. Allah Jalla wa Ala a tout prédestiné. Et donc, ces enfants ou ces êtres chers, bien-aimés, que vous avez, c'est Allah Jalla wa Ala qui vous les a donnés. Donc c'est pour ça que le prophète, regardez comment il exhorte. Il a exhorté sa fille. Alors il dit, à Allah appartient ce qu'il prend. Et à Allah aussi appartient ce qu'il donne. Donc cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite le prophète sallam dit wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma. Et aussi Allah a fait que toute chose auprès de lui a un terme bien déterminé. Donc toute chose a un terme. Il y a un délai. Et ça c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Et c'est quelque chose qui est inéluctable. Toute personne, il a un terme et un délai. C'est pour ça que notre génération à nous, par exemple, eh ben, arrivera à son terme et son délai, et elle laissera place à une autre génération. Et la génération prochaine laissera place aussi, son délai viendra, et laissera place à une autre génération. Et comme cela, c'est pour ça qu'ensuite cette génération sombrera dans les abîmes de l'oubli, et ensuite laissera place à une autre génération, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala décrète l'arrivée de l'heure. Et comme cela, Allah Jalla wa Ala a créé les êtres, et Allah est celui qui donne, et Allah est celui qui reprend, et Allah à déterminer un terme et un délai à toute chose. Et comme cela, Allah Jalla wa Ala gère cet univers et administre cet univers. Le croyant doit accepter cela. C'est ça le fait d'être soumis à Allah Jalla wa Ala. C'est ça la servitude. Et c'est ça le musulman, le terme musulman en arabe, le muslim, c'est être soumis. Être soumis à Allah Jalla wa Ala. Et de ce fait, il n'y a pas meilleure parole pour consoler une personne de lui rappeler, surtout la personne lorsqu'elle est croyante. Lorsque la personne a ces notions-là, de lui rappeler que ce que tu possédais, c'est Allah Jalla wa Ala qui te l'a donné. Et donc Allah Jalla wa Ala reprend ce qu'il veut. Allah reprend, à lui appartient ce qu'il reprend, le prophète dit, et à lui appartient ce qu'il donne. Et il faut savoir que toute chose donc a un délai. Et c'est pour ça qu'ensuite le prophète sallam recommanda, enjoint sa fille de patienter et d'espérer la récompense. Et c'est de là, de ce fait, qu'on déduit donc qu'il y a une récompense à travers cette patience, et il y a une récompense donc lorsqu'il y a une épreuve, et lorsque la personne est affligée par une épreuve. Et parmi les manières aussi, il y a d'autres manières, hein, parmi les manières de faire les condoléances, comme on a dit précédemment, il y a d'autres manières, comme ça nous est rapporté, d'autres manières du prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'un jour, aussi, il est rapporté qu'une Salama, la mère de Salama, à l'époque du prophète, alors perda son mari et son époux. Donc, Abu Salama, lorsqu'il décéda, le prophète aussi avait fait les condoléances à Salama, en disant Allahumma ghfir li Abi Salama. Ô Seigneur, pardonne à Abu Salama. Jusqu'à ce que le prophète a dit Wa khlufu fi aqibi. Fil ghabirin, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi, wa nawwir lahu fi. Le prophète Hassan avait dit ces bonnes paroles, il avait dit, ô Seigneur, assigne un successeur, ou plutôt, pardon, il avait dit, ô Seigneur, fais miséricorde à Abu Salama. Ô Seigneur, fais-lui miséricorde et assigne-lui un successeur parmi sa descendance. Et accorde-nous, ainsi qu'à lui, ton pardon, ô Seigneur des mondes, élargis sa tombe et illumine-la pour lui. Que sa tombe, yarni, soit illuminée. Donc regardez, ça c'est des invocations que le prophète alayhi salatu wassalam, avait fait pour Abu Salama, alors que Umm Salama, l'épouse de Abu Salama, eh ben faisait son deuil et était touchée par cette épreuve de la perte de Abu Salama, de son mari. Comme il est rapporté aussi, lorsque le compagnon Abdallah ibn Ja'far avait perdu son père qui était Al-Ja'far. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui avait dit: Allahumma khluf Ja'far fi ahli wa barik li Abdillah fi safaqati yamini. Le prophète Hassan avait dit: Ô Seigneur, assigne un successeur à Ja'far parmi les siens et accorde à Abdallah ta bénédiction dans ses entreprises commerciales ou autres. Et le prophète Hassan a répété cela trois fois. Donc vous avez vu, il y a d'autres manières aussi de faire les condoléances qui nous sont rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam. Sauf que la meilleure des manières de faire les condoléances, c'est celle qu'on a mentionnée comme l'imam Nawawi a dit, le fait de dire Inna lillahi ma akhad wa lillahi ma arta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma fal-tasbir wa-tahtasib. Donc ça, c'est la manière qui est célèbre et c'est l'une donc des meilleures manières. Sinon, les savants nous disent que les condoléances, alors, c'est ce qui consiste à faire, c'est une sorte, comme on a dit, une incitation à la patience par la promesse de la récompense d'Allah Jalla wa'ala et la vocation en faveur du défunt et ceux que le mort concerne. Et donc ça, c'est ça en quelque sorte les condoléances. Et donc cette manière-là d'exhorter les gens, de réconforter les gens lorsque les gens étaient éprouvés, ça faisait partie des caractéristiques et des nobles caractères du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était connu pour être une personne qui était proche des gens. C'est une personne qui était vraiment modeste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait vraiment des très nobles caractères. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était connu que lorsque les gens étaient affligés, lorsque les gens étaient touchés par de diverses épreuves, eh ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soutenait toujours les autres. C'est pour ça qu'il faut prendre comme modèle notre prophète alayhi salatu wa sallam, que les prières, la paix soit sur lui. Regardez, par exemple, il y a un récit qui nous a rapporté qui prouve ici le soin ou l'intérêt qu'avait le prophète sallam ou l'intérêt que les gens avaient pour le prophète sallam et que le prophète sallam accordait beaucoup d'importance aux autres et qu'il était attentif envers les autres. Et il nous a rapporté à l'époque du prophète sallam un homme il avait l'habitude d'assister aux assises du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il assistait aux assemblées avec le prophète et ses compagnons. Et cet homme-là, il avait une particularité, c'est que cet homme-là avait un enfant qui était en bas âge. Et toujours, il le ramenait avec lui. Il le ramenait avec lui et pendant les assises, il le plaçait devant lui. Et donc le prophète, en somme, avait l'habitude de voir cet homme avec cet enfant en bas âge qui assistait à ses assemblées et à ses assises. Alors un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, avait remarqué l'absence de cet homme. Et ça faisait un moment qu'il ne voyait pas cet homme. Il n'était plus présent dans ses assises. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, demanda. Regardez-le. Et ça prouve que le prophète alayhi salatu wassalam, était attentif envers les autres. Il avait un profond souci pour les autres et pour sa communauté. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, demanda à son sujet. Alors, on fit part au prophète, les gens ont informé que le prophète, ensemble, que cet homme avait perdu l'enfant. C'est-à-dire que cet enfant qu'à chaque fois il ramenait avec lui, cet enfant en bas âge, eh ben cet homme-là avait perdu cet enfant et que l'enfant était décédé. Alors, le prophète, sallam, rencontra l'homme. Et lorsqu'il a rencontré l'homme, alors il lui présenta ses condoléances. Il lui présenta ses condoléances. Ensuite, le prophète sallam s'adressa à lui. Et regardez, observez les, remarquez les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, comment est-ce que le prophète sallam va s'adresser à lui? Alors, le prophète va lui dire: Qu'est-ce qui te serait préférable? De profiter de ton enfant ta vie durant, c'est-à-dire que pendant ta vie, tu profites de cet enfant, ou bien de te présenter le jour de la résurrection devant l'une des portes du paradis et de constater qu'à chaque fois que tu t'approches de l'une d'elles, ton fils te devance pour te l'ouvrir, cette porte, c'est-à-dire cette porte du paradis. Alors regardez, le prophète sallam lui pose une question. Alors que le prophète sallam lui a présenté les condoléances, alors ensuite il lui dit: qu'est-ce que tu préférerais? Que tu profites de cet enfant tout au long de ta vie durant, ou bien te présenter le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, devant l'une des portes du paradis, et de constater à chaque fois que tu t'approches de l'une de ces portes, ton fils te devance pour t'ouvrir la porte de ce paradis. Alors l'homme répondit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ô prophète d'Allah, yé Nabi Allah. Il va lui répondre une parole qui est immense. Il va dire, yé Nabi Allah, bel yasbiquni ila babil janna, fayaftahuha ilay, la huwa ahabbu ilay, qala fadhaka lak, faqala rajulun min al-ansar, ya Rasul Allah, ja'alani Allahu fada'ak, alahu khassatan aw likullina? قال صلى الله عليه وسلم بل لكلكم وهذا حديث عظيم فقال هذا الرجل يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلي فلا هو أحب إلي فقال فذاك لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فذاك لك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله جعلني الله فداءك أو فداءك أله خاصة أو لكلنا قال بل لكلكم. Et regardez, ensuite, l'homme, qu'est-ce qu'il répondit? Alors l'homme répondit, il dit au prophète, ô prophète d'Allah, qu'il me devance à une porte du paradis pour me l'ouvrir, alors cela m'est profitable, ou préférable plutôt. Cela m'est préférable. Alors le prophète, lui a dit, alors cela t'est accordé. Alors cela t'est accordé. Donc regardez l'homme, il a préféré, il a dit au prophète, je préfère que mon enfant me devance et m'ouvre une porte du paradis pour que j'y rentre. Cela m'est préférable. Alors le prophète lui a dit, cela t'est accordé. Et un homme qui était dans l'assise, et il est décrit comme étant un homme parmi les Ansar, et vous savez, Al-Ansar, c'est on traduit en français par les auxiliaires. Ce sont les compagnons qui ont accueilli le prophète à Médine. Donc c'était les Médinois qui accueillirent le prophète lorsque le prophète a fait l'émigration de la Mecque à Médine. Donc les gens de Médine qui ont accueilli le prophète, on les appelle en arabe Al-Ansar. Et beaucoup en français, c'est traduit par les auxiliaires. Alors un homme parmi les Ansar demanda au prophète, au messager d'Allah, regardez l'intérêt des compagnons à l'époque et des gens à l'époque du prophète, lorsqu'ils entendirent cela. Donc là, le prophète est en train d'annoncer quelque chose d'immense à cet homme. Le fait qu'il a perdu cet enfant, et lui dit donc que s'il patiente, il lui dit que cet enfant peut lui ouvrir la porte du paradis et le devancer et l'ouvrir. Et le prophète annonce à cet homme-là que cela lui est accordé. Que cette annonce-là, elle lui est accordée. Alors l'un des Ansar, l'un des compagnons qui était présent plutôt, dit au messager d'Allah, puisse Allah faire que tu sois, puisse Allah faire que moi sois ta rançon. Et ça, c'était une expression en arabe à l'époque chez les Arabes. Ils disaient souvent cette expression, c'était un signe de respect. Alors, ils disaient, puisse Allah faire de moi ta rançon, au messager d'Allah. Ceci, est-ce que ça s'applique à lui ou pour nous tous? Regardez, c'est une question qui est immense, puisque ensuite, cela nous concerne alors. Alors, il dit, est-ce que cela concerne uniquement lui ou bien cela est valable pour chacun de nous? Et là, le prophète, regardez, c'est encore une bonne nouvelle, et c'est ça qui nous donne de l'optimisme à avancer dans cette vie. Le prophète lui dit, pour vous tous. Donc regardez, alors là, c'est comme je vous ai dit précédemment, c'est une annonce du prophète qui dit, donc une personne, par exemple, qui a eu un être cher comme un enfant, qui est décédé, et qui patiente, qui est endurant, et qui espère la récompense, regardez, l'enfant le devance pour ouvrir la porte du paradis. Et regardez la bonté du prophète, comment le prophète réconfortait les autres et comment il consolait les autres. Le prophète nous annonce cela, il informe de cela à cet homme qui venait de perdre cet enfant. Donc on a dit, regardez comment le prophète a consolé cet homme. Ensuite, le prophète, cette manière dont il s'adresse à lui, regardez cette sagesse, cette manière dont il s'adresse à lui, en lui disant, alors que l'homme il est touché de la perte de cet enfant, et le prophète avait remarqué cela, avec l'absence de cet homme qui ne venait plus aux assises et à ses assemblées. Donc lorsque on a dit, au début du récit, il est dit, lorsque le prophète a demandé après lui, on lui a dit qu'il avait perdu un enfant. Le prophète s'est empressé alors d'aller lui faire les condoléances et le prophète ensuite l'a exhorté de cette manière. Regardez comment il lui a remonté en quelque sorte. Eh bien, le moral, en lui disant, en lui posant cette question, qu'est-ce qu'il préférait? Profiter de l'enfant durant sa vie, ou bien que cet enfant, alors que des portes du paradis sont devant lui le jour de la rétribution, de voir cet enfant le devancer et à chaque fois lui ouvrir, donc le devancer à chaque fois, et ensuite qu'il le devance pour justement ouvrir cette porte. Et là, l'homme, alors, lorsqu'il a entendu cela du prophète, sallam, il lui a fait part de ce qu'il aimerait, et le prophète lui a dit, bah, cela t'est accordé. Et ensuite, le prophète rajoute que cela est valable pour toute la communauté. Cela est valable pour nous tous, pour toute la communauté, ceux qui ont une perte d'un enfant, ceux qui sont touchés, affligés par une épreuve comme celle-ci. Donc, à chaque épreuve, vous avez vu, à chaque épreuve, eh ben, celui qui patiente et espère la rétribution d'Allah, eh ben Allah Jalla wa'ala lui trouvera une issue. Et cela est valable pour chaque épreuve, que ce soit pour une épreuve comme on vit en cette période, une épreuve d'épidémie, une épreuve d'une perte d'une personne bien-aimée, ou l'épreuve de la perte de biens, l'épreuve de la maladie, ou toute autre chose qui accable le croyant dans cette vie d'ici-bas, toute souffrance ou tout malheur qui peut toucher le croyant dans cette vie d'ici-bas, eh ben, il y a dans la patience et dans l'espoir en la récompense d'Allah, une grande et immense récompense de la part de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça ce qu'il faut savoir en période de détresse, en période d'épreuve. Allah Jalla wa Ala veut de nous qu'on revienne à lui, tout repentant, et qu'on revienne à lui en l'adorant. C'est pour cela que ça, c'est l'affaire des croyants et des croyantes. Que lorsqu'on est éprouvé, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala veut de nous. Qu'est-ce qu'Allah veut de nous? Allah veut de nous, il nous éprouve et il nous teste. Allah nous éprouve et nous teste. Et quelle va être la réaction de son serviteur qui est éprouvé? Eh bien, celui qui, pendant cette épreuve, pendant qu'il est accablé, eh bien, il patiente, il revient repentant Allah Jalla wa Ala, en l'invoquant. C'est ce qu'Allah Jalla wa Ala veut de nous. Allah, il nous éprouve, il éprouve son serviteur pour entendre de lui son imploration et ses invocations. Tout simplement. Et celui qui, lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il est dans la détresse, eh ben, il invoque Allah et demande à Allah de le soulager. Il implore l'absolution de ses fautes, parce que parfois on est éprouvé et la cause de ces épreuves, c'est nos fautes, c'est nos péchés, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes. Alors, il demande l'absolution de ces péchés-là, il demande le pardon, et eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, va le récompenser d'une immense récompense. C'est pour cela que même parfois, lorsqu'on dit les épreuves, là on a cité des épreuves comme période comme celle-ci d'épidémie, ou bien des épreuves de la maladie, ou bien des épreuves de perte de biens, ou bien perte d'être bien aimé. Ça, c'est des épreuves. Mais toute autre épreuve aussi. Sachez que par exemple, juste le fait que le croyant est triste, le fait qu'il soit dans une période de tristesse, ou qu'il est dans de l'anxiété, tristesse, il est touché par de l'anxiété, touché par de la tristesse ou autre. Sachez que même cela, le fait de patienter face à ça, eh ben c'est une rémission de ses fautes, une expiation de ses fautes. Et la personne sera récompensée pour cela, le fait qu'il patiente. Donc même ne serait-ce que la personne, il est touché par de la tristesse, par de l'anxiété. La personne subit des moments, par exemple, il est dans un état d'âme faible ou autre. Eh bien, sachez que même cela, le fait qu'il patiente à ça et le fait qu'il soit touché par ces formes de tristesse et ces formes de sentiments, eh bien, cela est une rémission, une expiation de ses fautes. Donc, chaque chose qui touche le croyant dans cette vie d'ici-bas, même ne serait-ce le prophète s'en nous disent une épine qui touche le croyant dans cette vie d'ici-bas, une angoisse, une tristesse, de l'anxiété, eh bien, c'est une rémission de ses péchés, une rémission de ses fautes. Et de ce fait, c'est une sorte de purification. C'est pour cela qu'il y a une chose à méditer aussi, que le prophète, sallam, par exemple, en période, une personne qui est par exemple affligée et touchée par de la tristesse, eh ben le prophète nous a même enseigné des invocations pour dissiper justement les soucis et la tristesse. Le prophète, sallam, nous a tout enseigné. Donc il y a même des invocations que le prophète, sallam, nous a enseignées pour dissiper par exemple la tristesse et les soucis. Donc, par exemple, juste que la personne, par exemple, est touchée par des soucis, le prophète nous a enseigné, par exemple, le fait de dire Allahumma inni abduk. ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. Et bien, cette invocation, regardez, c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Le fait de dire, ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon toupet est dans ta main, ton jugement à mon sujet s'accomplit, ton décret me concernant n'est que justice. Je te demande, par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible, de faire que le Coran soit une ondée pour mon cœur, une traduction relative. Hein. Il est dit en arabe, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi. An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi. Donc que tu fasses du Coran rabi'a, le rabi'a de mon cœur, une ondée pour mon cœur et lumière pour ma poitrine et qu'il dissipe ma tristesse et fasse disparaître mes soucis. Et bien ça, le prophète, vous avez vu cette invocation, le prophète nous a enseigné ça, que celui par exemple qui est touché par de la tristesse ou qui est touché par des soucis, qui a des problèmes, et bien qu'il dise cela. À un moment donné, il prend du temps, il s'assoit et il invoque Allah de cette manière. Il dit cette invocation, et bien Allah Jalla wa'ala va dissiper ses soucis et son angoisse. Allah va dissiper ses soucis et ses angoisses. Pour ça, on a même d'autres invocations. Dans une autre invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allahumma inni a'udhu bika min al-ham wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl wa dala' al-dayn wa ghalabat al-rijal » Et dans une autre invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait le fait de dire « Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les soucis, la tristesse, l'incapacité, la paresse. » La paresse aussi, le fait de demander à Allah qu'il nous protège de la paresse, de la lâcheté, de la farise, de l'avarice, hein, et le fardeau des dettes et l'oppression des hommes. Et bien ça, c'est des invocations que, sallam, que le prophète sallam, nous a enseignées. Donc malheureusement, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont touchés par exemple, lorsqu'ils ont des soucis, ils sont angoissés, d'abord au lieu de revenir à Allah, parce que Allah Jalla wa'ala nous éprouve, éprouve son serviteur pour entendre nos implorations et nos invocations. Allah veut qu'on l'invoque et qu'on lui demande le pardon et qu'on lui fasse des demandes et qu'il nous exauce. Et beaucoup de gens, au lieu de revenir à Allah et de l'invoquer alors qu'ils sont éprouvés, eh ben beaucoup, par exemple, reviennent plutôt à des antidépresseurs, à des médicaments, à des calmants ou à des cachets ou autres. Là, on ne parle pas de ceux, comme on a dit précédemment, qui ont des pathologies, qui ont besoin, qui sont réellement malades, qui ont des malades psychologiques, etc. On ne parle pas de cela. On parle de gens qui sont touchés par une forme d'anxiété, qui parfois peuvent être angoissés, qui ont des soucis, qui sont touchés par une forme de tristesse. Sachez, avant de revenir à des antidépresseurs, avant de sombrer dans des dépressions et donc de prendre ces cachets-là, sachez que vous avez des invocations, sachez que dans la sunna du prophète, vous allez retrouver du réconfort, et sachez donc que le prophète nous apprend ces manières-là de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce qui est, je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez remarqué. Donc on est dans le chapitre où le prophète, dans des récits, et avant Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, nous dit « à lui appartient les plus beaux noms ». On a dit dans les versets, Allah dit « et invoquez-moi par ses plus beaux noms ». Donc on doit invoquer Allah par ses plus beaux noms. Donc on était en train d'étudier cela et ça faisait partie de l'étude de ce chapitre. Regardez dans cette invocation que je viens de vous lire, lorsqu'on est touché par, on est angoissé ou par la tristesse, pour dissiper la tristesse et les angoisses. Regardez cette invocation que nous a enseigné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit, on dit à Allah, on lui demande, on dit, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent. Donc regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné aussi, on voit dans ce récit, dans cette invocation-là, où le prophète Hassan disait, je te demande, je t'implore par tous les noms qui t'appartiennent. Donc regardez, on implore Allah Jalla wa'ala par tous les noms qui lui appartiennent. Et c'est ce qu'on dit dans cette invocation que je vous ai lue précédemment concernant la dissipation de l'angoisse et de la tristesse. Donc le prophète nous enseigne de dire, je te demande, ô Allah, par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible. Dans la science de l'invisible. Et ensuite, on demande à Allah Jalla Wala qu'il fasse que le Coran soit une lumière pour notre poitrine, qu'il dissipe notre tristesse et fasse disparaître nos soucis. Donc voilà une des manières le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour dissiper les soucis lorsqu'on est touché par des soucis. Et aussi le prophète, par exemple, dit, il nous a rapporté d'autres invocations, le fait de dire La ilaha illallah, al-Halim al-Karim, La ilaha illallah, al-Ali al-Azim, La ilaha illallah, Rabbus samawati al-Sab'a, wa Rabbul arsh al-Azim. Le fait de dire cela, lorsqu'on est touché, lorsqu'on est angoissé ou lorsqu'on a des épreuves, on subit des épreuves, le fait de dire cela, par exemple. Ou une autre, le fait de dire La ilaha illallah, al-Halim al-Karim, Subhana. Le fait de dire cela aussi, ça c'est des invocations qu'on peut dire lorsque on est touché par, ou bien on est éprouvé par, on est dans une état, un état de détresse, on va dire, état de détresse, le fait de dire ces invocations. Par exemple, le fait de dire La ilaha illallah, La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Point de divinité digne d'adoration, si ce n'est lui. Gloire et pureté à toi, ô mon Seigneur. Je faisais certes partie des injustes. Le fait de dire cela lorsqu'on est touché par de la détresse ou autre, eh bien Allah, Jalla wa Ala, va dissiper cette détresse et trouver une issue favorable à son serviteur. Donc ça, c'est des invocations à prendre et à dire. Par exemple, le fait de dire « Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. »« Oh Hayyu Ya Qayyum. » Donc regardez, on appelle Allah, Jalla wa Ala, par ses noms. « Al-Hayy », ça fait pas, c'est l'un des nom d'Allah, Al-Qayyum, aussi c'est l'un des noms d'Allah. On dit, Ô Hayyu, ô toi le vivant, Al-Qayyum, bi-rahmatika astaghith. Donc regardez ici, on dit dans cette invocation, Ô vivant, je cherche secours auprès de toi. Et ici, on demande auprès de sa miséricorde, la miséricorde d'Allah, bi-rahmatika astaghith, astaghith. Et on a une invocation aussi que le prophète Sam. Donc le prophète Sam nous a invoqué plusieurs invocations. Donc revenez dans les livres, par exemple dans la citadelle du musulman, vous allez retrouver ces invocations. Ça, c'est des invocations à dire lorsqu'on, par exemple, on est affligé par des épreuves. Par exemple, le fait de dire aussi Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li sha'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li sha'ni kullah. La ilaha illa ant, par exemple. Allahumma rahmataka arjuk. Regardez ici la miséricorde aussi. Le prophète nous enseigne d'invoquer Allah de cette manière. Ô Seigneur, rahmataka arjuk, j'espère ta miséricorde. Regardez, dans des moments difficiles, dites cette invocation. Ô Seigneur, rahmataka arjuk, j'espère ta miséricorde. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Wa aslih li sha'ni. Kullahu la ilaha illa ant. C'est le fait de dire, Ô oh Allah, j'espère ta miséricorde, ne m'abandonne pas à mon sort, serait-ce le temps d'un clin d'œil, et améliore ma situation de tout point. Point de divinité digne d'adoration si ce n'est toi. Donc le fait de dire cela lorsqu'on est touché, par exemple, d'une épreuve. C'est pour ça que Allah Jalla wa'ala nous dit dans un verset, Wa kana bil mu'minina rahima. Et Allah est pour ses serviteurs, il est clément et miséricordieux. Et miséricordieux. Donc on va s'arrêter là puisqu'on a fini l'étude de ce dernier hadith dans ce chapitre. Et donc dans la prochaine allocution, dans le prochain cours, Inch'Allah, on commencera l'étude d'un nouveau cours, ou plutôt, pardon, d'un nouveau chapitre, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.